À l'occasion du 25e anniversaire de la promotion du grand dirigeant Kim Jong-il au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, le corps des attachés militaires en Corée a adressé une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au respecté camarade Kim Jong-un. Le doyen Roman Oswaldo Jiménez Ortega, attaché militaire cubain, les a transmises le 23 décembre au général d'armée Park Yong-si, ministre des Forces armées populaires.